19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Personne ne le sait, une de nos grandes institutions archéologiques fête ses 140 ans d'existence. L'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, implanté au Caire. L'égyptologie des origines, celle de Champollion, voici presque 200 ans, aurait bien pu faire un sujet à la croisée de l'archéologie et de l'histoire des sciences, autour de ce que l'on appelait alors l'école du Caire. Nous avons préféré opter pour l'actualité, car l'actualité est omniprésente en égyptologie, dans des lieux aussi variés que Karnak, Wadi al-Jaf, Tel el-Samara, Taposiris, Magna. Pandémie oblige, voici un moment que nous étions en lien avec le directeur de l'IFAO. Aujourd'hui, il est en ligne, du Caire, Laurent Coulon, bonsoir. Bonsoir. Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, ancien président de la Société française d'égyptologie, vos recherches portent sur le culte d'Osiris, notamment au premier millénaire avant notre ère. Parallèlement, votre institut fouille, publie aussi, puisque l'IFAO vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Archéologie française en Égypte » à l'occasion d'une exposition tenue au musée égyptien du Caire. Actuellement, actualité oblige, Laurent Coulon, où en sommes-nous des missions en ces temps de pandémie qui touchent brutalement l'Égypte, ne l'oublions pas. Alors effectivement, la crise sanitaire n'a pas épargné l'Égypte. Les missions archéologiques sur le sol égyptien ont dû s'arrêter. À la mi-mars, nous avons dû donc rapatrier les chercheurs qui se trouvaient les uns à Wadi el-Jaf, les autres à Tanis ou à Kom Abou Bilou. Et ils ont dû donc rentrer en France sans attendre la fin des travaux. L'important, évidemment, c'était d'assurer la sécurité de tous. L'IFAO s'est replié au Caire dans ses travaux de recherche en bureau, en laboratoire, ses activités de publication. Maintenant, donc, avec la limitation des déplacements, il est difficile pour certains chefs de mission basés en France ou en Europe de programmer leur mission en 2020. Ils vont la différer en 2021. Mais pour cette rentrée, comme nos collègues des autres missions permanentes en Égypte, à Alexandrie ou à Karnak, nous préparons la reprise de certaines activités de terrain dans des conditions sanitaires évidemment très strictes, en concertation avec le ministère du Tourisme et des Antiquités. Et pour la mi-septembre, il est prévu le démarrage de la mission franco-italienne de Tep-Tunis dans le Fayoum. Tout le monde, bien sûr, fouille en Égypte. Toutefois, l'archéologie française, ce n'est pas moins de 35 missions. C'est absolument énorme. Oui, alors, c'est énorme. Et il faut évidemment mettre ce chiffre en regard des 200 missions internationales qui fouillent avec le ministère du Tourisme et des Antiquités en Égypte. La France est une des toutes premières nations donc pour l'archéologie égyptienne. Notre force, c'est d'avoir des missions permanentes. Alors évidemment, l'Institut français d'archéologie orientale est une des 5 grandes écoles françaises à l'étranger, indépendant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais il y a aussi des missions permanentes du CNRS à Karnak et à Alexandrie. Et puis des institutions comme le musée du Louvre qui sont très investies dans les recherches sur place à travers des missions sur le monastère copte de Bawit, par exemple, ou à Saqqara, le chantier du Sérapéum qu'avait découvert Mariette au XIXe siècle a été récemment rouvert. Et puis, pour ce qui est de l'IFAO, nous avons 120 personnes qui travaillent ici, français, européens, égyptiens, qui assurent la continuité des missions archéologiques, des programmes scientifiques, mais nous servons aussi de tête de pont pour des dizaines de missions basées en France, au CNRS, dans les UMR, dans les universités, avec l'IRD, avec l'INRAP, Et c'est toute cette logistique aussi de la recherche que nous assurons pour ces missions. Et puis bien sûr, il y a les missions de l'Europe et des Affaires étrangères, donc qui est un des grands partenaires de l'archéologie française dans le monde. Laurent Coulon, l'Égypte, c'est bien entendu le monde pharaonique, ses dynasties. Mais remontons le temps vers ce que l'on appelle le prédynastique, période mal connue et capitale. Votre institut fouille notamment ce genre de période. Oui, alors nous avons plusieurs sites pour la période préhistorique, tel est le Samara, tel est Suède, Abu Roach. Nous circonscrivons effectivement toute cette période qui est très importante pour l'histoire de l'Égypte, celle des origines de la civilisation pharaonique. Et les équipes de préhistoriens qui ont travaillé sous l'Égypte de l'IFAO depuis plusieurs décennies ont véritablement contribué à renouveler le champ des études. Alors à Tel el-Samara, par exemple, il est possible d'entrevoir comment au 5e millénaire avant Jésus-Christ, justement, des populations de chasseurs-cueilleurs ont commencé à se sédentariser, à pratiquer l'élevage, l'agriculture, sous l'influence des cultures du Levant. Et ce qui est très intéressant sur ces sites, c'est que ce sont des témoignages très ténus qui sont mobilisés par les préhistoriens pour faire parler, en quelque sorte, le site. Mais on peut, grâce à l'analyse très pointue des outils de cuisine, des ossements d'animaux, des graines, mettre en lumière le développement de ce néolithique agricole. Il faut peut-être aussi parler de Abu Rawash, on est à 8 km du Caire, et on aurait une belle nécropole prédynastique. Oui, alors à Abu Rawash, on est dans la période, ce qu'on appelle la période proto-dynastique, hein, qui est juste avant l'émergence de la période pharaonique. Dans ce site, on a pu mettre en évidence les pratiques funéraires de l'élite à la première dynastie, et c'est un jalon très important pour comprendre justement l'émergence de l'ancien empire avec ce qui sera bientôt l'éclosion des grandes nécropoles pharaoniques du site de Giza, du site de Saqqara. À Abu Rawash ont été retrouvées notamment une série de barques funéraires qui préfigurent celle qui a été retrouvée à côté de la pyramide de Khéops. Et là, c'est une barque de la première dynastie qui a été particulièrement bien conservée, qui sera d'ailleurs exposée au Grand Egyptian Museum dès son ouverture. Barque de 6 mètres sur 1,30 mètre, 400 ans avant celle de Khéops, et qui nous donne un éclairage sur justement ces pratiques funéraires de l'élite égyptienne, l'émergence aussi d'une société très hiérarchisée, où l'élite cherche à se distinguer par ses aménagements funéraires spécifiques. Le problème d'Abu Rawash, n'est-ce pas d'être trop près du Caire et de son urbanisme ? Alors, effectivement, ces sites très proches de la ville sont toujours menacés, mais en tout cas, le ministère du Tourisme et Antiquités cherche au maximum à délimiter les zones archéologiques. On a effectivement des problèmes de conservation de certains sites dans le nord de l'Égypte, notamment à Kom Abu Bilou, un autre site fouillé par l'IFAO, où les plantations ont tendance à manger le terrain archéologique. Sur d'autres sites égyptiens, ce sont des destructions que doivent contrer en quelque sorte les archéologues, puisque évidemment, il y a toujours une certaine volonté de chercher des trésors, même dans des sites qui pourtant ne révèlent que des murs de briques ou des mines. Laurent Coulon, l'égyptologie ne constitue-t-elle pas un monde à part en archéologie? L'égyptologie est empreinte d'épigraphie, de papyrologie, tant les textes, les hiéroglyphes sont primordiaux. Oui, alors c'est vrai que l'égyptologie, la lecture des vestiges égyptiens, c'est d'abord faite par le filtre des textes, hein, que ce soit d'ailleurs les textes bibliques ou le témoignage des auteurs grecs, on peut citer Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile. Et évidemment, à partir du 19e siècle, au moment en 1822 où Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, c'est par les textes, les inscriptions hiéroglyphiques qu'on a pu dénouer tous les chevaux de ces témoignages égyptiens, reconstruire l'histoire de l'Égypte. Et donc il y a eu une survalorisation forcément des témoignages textuels et forcément une frénésie de recherche. L'Égypte a été considérée, évidemment à raison, comme une mine pour les papyrus grecs. Mais à partir, disons, du début du XXe siècle, sous l'influence de grands archéologues, on peut citer évidemment Petri, les égyptologues ont compris tout l'intérêt d'étudier aussi la culture matérielle, tout ce que pouvait apporter l'étude des contextes, et progressivement toutes les techniques modernes de l'archéologie, les technologies avancées, se sont intégrés pleinement à l'égyptologie, et actuellement une équipe d'égyptologues, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire qui mêle des épigraphistes, des papyrologues spécialistes des textes d'un côté, et puis des géomorphologues, des archéozoologues, des carpologues, enfin tout ce qui constitue une équipe d'archéologues modernes actuellement. La période pharaonique ne vient pas de nulle part. Elle puise ses origines dans cette période prédynastique que l'on appelle, quand on est archéologue, la période de Nagada. Pour autant, la naissance de l'État, en marge totale d'ailleurs de la Mésopotamie, va émerger extrêmement rapidement. Alors c'est une question fondamentale auxquelles les préhistoriens cherchent à répondre actuellement. Évidemment, c'est très complexe de dénouer le faisceau d'influence que subit l'Égypte à ce moment-là. Sur certains sites qui sont fouillés par l'IFAO comme Tel Eswed, on a justement une fenêtre pour étudier ce qui se passe au 4e millénaire avant Jésus-Christ, avant l'émergence de l'État égyptien. Et on voit sur ces sites la succession des cultures de Basse-Égypte et de Nagada. On voit comment aussi l'architecture de briques crues, la céramique peuvent servir de marqueur à ces évolutions parce qu'elles révèlent aussi l'influence très forte de la Haute Égypte sur l'évolution des techniques dans le Delta. Ça fournit des indices sur la constitution progressive d'une culture commune égyptienne entre la Basse et la Haute Égypte. Et donc au-delà du processus de réunification politique qui va marquer justement le début de l'histoire égyptienne, ce sont ces étapes de la diffusion de ces modèles communs, mais aussi évidemment des mutations locales à travers le territoire égyptien que les fouilles permettent d'appréhender. Alors l'Égypte, c'est bien sûr le Nil, mais c'est surtout cet État qui se crée entre une sorte d'union politique entre deux entités, d'un côté la Haute et de l'autre côté la Basse Égypte. Oui, donc cette union, elle est fondamentale dans l'idéologie égyptienne. Il y a une dualité qui est constamment mise en œuvre dans les représentations égyptiennes entre la Haute et la Basse Égypte, mais aussi entre des divinités qui servent, disons, à créer cette sorte d'image de la dualité entre Horus et Seth. Et même quand le pays est fondamentalement unifié, on cherche toujours à en avant cette dualité des deux terres et cette union des contraires qui font en quelque sorte le socle de l'équilibre que maintient le pharaon sur l'Égypte. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Coulon, en 1963, Jean Leclan crée la mission archéologique française de Saqqara afin de mener une enquête sur les textes des pyramides. La mission perdure, l'enquête continue? Oui, bien sûr, et on peut dire qu'elle est extrêmement fructueuse ces dernières années. Donc il faut évidemment rappeler que c'est à la fin du 19e siècle que les premiers textes des pyramides ont été découverts, hein, dans les pyramides de Saqqara, notamment la première, celle d'Ounas, la 5e dynastie. Le plus ancien témoignage de ce rituel qui est le rituel fondamental en quelque sorte à l'origine de tous les autres pour l'Égypte ancienne, hein, ce qui était censé accompagner le pharaon dans l'au-delà. Et à cette époque, on avait surtout voulu retrouver une sorte de texte unique, hein, un témoignage unique de ces textes des pyramides, dont les différentes pyramides auraient été une variante. Avec la mission de Saqqara, le but était surtout de redonner à chacune des pyramides son intégrité, son identité. Donc ça a été aussi l'un des travaux fondamentaux, c'est de recollecter l'ensemble des fragments pour compléter ces textes. Et puis, il s'agissait donc de publier indépendamment chacune des pyramides pour qu'elles puissent être lues en elles-mêmes. Donc tout récemment, par exemple, la pyramide de Merenre a été publiée sur les presses de l'IFAO. Parallèlement, d'autres textes des pyramides ont été découverts, notamment dans les pyramides de Rennes, de la nécropole de Pépi Ier, celle de Hornès-Pépi II, donc la mère de Pépi II, celle de Béhénou, et cela apporte évidemment de nouvelles données à la connaissance de ces textes des pyramides et à leur emploi dans le contexte royal de la fin de l'Ancien Empire. Laurent Collomb, vous êtes bien sûr en ligne du Caire, une ligne bien sûr qui, dont la qualité fluctue souvent. Très nouveau en égyptologie est cette fouille d'une carrière d'albâtre de l'Ancien Empire où l'on en sait plus sur le système de halage de ces énormes blocs. Ah oui, la carrière d'Atnoub, effectivement, carrière d'albâtre, elle était bien connue depuis longtemps. On avait aussi mis en évidence la présence de textes qui avaient été laissés sur les parois de la carrière, témoignant des expéditions qui étaient lancées pour extraire cet albâtre. La mission qui a été lancée par l'Université de Lyon, l'IFAO et l'Université de Liverpool a permis de jeter un regard nouveau sur cette carrière en mettant en évidence effectivement un dispositif tout à fait particulier puisqu'on a une descenderie qui permettait d'accéder à la carrière mais aussi de sortir les blocs par une rampe au centre de la carrière. Et puis de part et d'autre de la rampe, on avait des escaliers. Et donc les archéologues ont pu déterminer qu'en fait, ceux qui tiraient les blocs descendaient en fait ces escaliers en tirant une corde qui effectuait une rotation autour de poteaux. Alors cela, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre parce que cela donnerait aussi une explication sur les possibilités de tirer des blocs de très grosse taille, notamment dans le contexte évidemment très débattu des procédés de construction des pyramides comme celle de Khéops. Incontournable est le site de Deir el-Médineh qui nous donne un aperçu de la vie quotidienne des Égyptiens sous les pharaons, de ceux qui creusèrent les tombeaux de la vallée des rois ou des reines, je ne sais jamais, de ceux aussi qui furent les premiers de l'humanité à inventer la grève. Aujourd'hui, l'actualité porte sur une momie et une momie tout à fait exceptionnelle. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de la découverte par une équipe d'anthropologues travaillant dans la mission de Deir el-Médineh de cette momie de femme recouverte de plus de 30 tatouages figuratifs. On a des vaches sacrées, des serpents, des hiéroglyphes. Mais c'est évidemment un témoignage très important sur les pratiques funéraires, sur les rites, surtout sur le rôle des femmes aussi dans la vie religieuse à Deir el-Médineh. C'est un petit exemple des résultats exceptionnels que produit le réexamen des objets découverts par l'IFAO depuis qu'il fouille à Deir el-Médineh. Les premiers travaux ont commencé dans les années 1920 hein, par Bernard Bruyère et ce fouilleur avait stocké dans les magasins du site énormément d'objets divers. Et donc, la mission de Deir el-Médineh reprend systématiquement l'étude de ces témoignages. Par exemple, un projet a été lancé sur tous les artefacts en bois, notamment les sarcophages, mais aussi les plus petits objets. On analyse les matériaux, on analyse sa provenance, on analyse le mode d'assemblage de ces objets. Et cela permet évidemment de comprendre beaucoup mieux les pratiques artisanales au Nouvel Empire en Égypte. Le même type d'étude s'applique à des figurines féminines hein, qui ont été retrouvées en grande masse sur le site et bien sûr à ces ostracas inscrits, donc ces fragments de calcaire ou de poterie qui sont recouverts de textes qui servaient de brouillon dans les écoles mais qui servaient aussi de quelque sorte de support d'écriture administratif et qui fournissent des témoignages exceptionnels sur la littérature, sur les pratiques épistolaires, les lettres que s'envoyaient les habitants de Deir el-Médineh, mais aussi toute l'administration du chantier de la Vallée des Rois. Laurent Coulon, évoquons Karnak et le mythe osirien. Pourquoi au premier millénaire, Karnak s'enrichit-il de dizaines de monuments dédiés à Osiris ? Alors, au premier millénaire, on voit effectivement une forte émergence des cultes osiriens dans toute l'Égypte. Osiris, avec son destin si particulier de dieu-homme assassiné par son frère Seth et qui revient à la vie grâce à Isis, a pu offrir à la population égyptienne l'image d'un dieu salvateur, l'image de salut, d'optimisme en quelque sorte. Et puis c'était aussi un modèle de royauté, hein, puisque c'était le premier roi d'Égypte, auquel on put s'identifier les pharaons égyptiens. Alors s'il y a des dizaines de monuments nouveaux dédiés à Osiris à Karnak, c'est aussi parce que à cette époque, on a une fragmentation en quelque sorte des dieux en des multitudes de formes spécifiques. On va avoir des chapelles qui vont être dédiées à chaque fois à une forme spécifique du dieu, Osiris maître des aliments, Osiris maître de l'éternité, Osiris de Koptos, etc. Donc on va avoir tout autour du temple de Karnak des petits guichets divins en quelque sorte qui vont chacun répondre à une fonction particulière, répondre à une demande particulière de la population, l'une pour sauver de telle ou telle maladie, l'une pour participer à la renaissance osirienne dans le contexte des fêtes d'Abydos, etc., etc. C'est en tout cas le phénomène le plus important de l'histoire religieuse égyptienne du premier millénaire. Le mythe théologique veut que le Nil et Osiris fédèrent l'ensemble du territoire égyptien, c'est bien ça ? Oui, alors c'est un développement théologique tout à fait exceptionnel au premier millénaire, qui veut que les parties du corps d'Osiris qui ont été réparties dans tout le territoire égyptien, après que Seth a démembré Osiris, ces parties vont être collectées par Isis, et donc chacune des régions d'Égypte va en quelque sorte être dépositaire d'une partie du corps du dieu. On va avoir une multitude ainsi de tombeaux d'Osiris répartis sur tout le territoire. Et c'est un enjeu politique pour le pharaon que de rassembler toutes ces parties du corps comme il se doit de rassembler toute l'Égypte. Donc le rituel de recomposition du corps d'Osiris est aussi un rituel royal de recomposition du pays avec les 42 régions d'Égypte qui sont rassemblées sous l'égide du pharaon. Et parallèlement, on voit dans le Nil l'image aussi des humeurs, de ces effluves qui sortent du cadavre d'Osiris. Et Osiris est en quelque sorte le moteur de la crue du Nil annuelle. Donc Osiris est en quelque sorte à l'origine de ce processus de renaissance qui intervient tous les ans par l'intermédiaire de la crue du Nil, d'où ce que nous dit Hérodote, c'est que évidemment Osiris est partout en Égypte, comme le Nil est aussi partout en Égypte, puisque c'est ce qui alimente la fertilité de l'ensemble du territoire égyptien. À Karnak, votre programme se consacre à une chapelle, la chapelle dite Osiris, maître de l'éternité. Votre but, c'est bien sûr de fouiller ses fondations, mais aussi de la restaurer. Oui, alors nous avons travaillé sur trois chapelles qui se trouvent au nord de la grande salle hypostyle de Karnak. Nous avons terminé les travaux sur la chapelle d'Osiris, maître des aliments, et nous entamons maintenant une campagne sur la chapelle d'Osiris Unnefer, qui était auparavant appelée Osiris, maître de l'éternité, mais de toutes récentes fouilles ont pu modifier en quelque sorte la perspective, et on l'appelle maintenant la chapelle d'Osiris Unnefer. Alors la porte de cette chapelle, qui date très précisément de 526 avant Jésus-Christ, puisque elle est au nom du pharaon Psamétique III, qui a été le dernier pharaon de la 26e dynastie avant l'invasion perse. Cette porte était en très mauvais état, donc nous avons décidé de la démonter Et c'est un chantier qui a été entrepris avec le soutien de la Fondation ARPAMED. Et nous allons, lors de la prochaine campagne, en 2021, fouiller l'intégralité des fondations et reconstruire à neuf, en quelque sorte, ce monument pour qu'il soit ensuite visitable en toute sécurité par les touristes qui sont assez nombreux, évidemment, dans ce secteur du temple. Alors, l'archéologie ne s'arrête pas aux périodes anciennes, mais hélas, nous n'aurons pas le temps d'en parler. Il faudra bien sûr y revenir. Entre le Delta, le Fayoum, la Haute-Égypte, les déserts orientales et occidentales, Kouch, Douch, Bawit, Balat, Tanis, tous ces sites font bien sûr une histoire buissonnante de l'Égypte. Quelques mots sur une ultime découverte, un chantier, un site dont nous n'aurions pas parlé. Alors il y en a beaucoup, hein. On aurait pu évidemment parler de la plus grande tombe d'Égypte, la TT33, des fouilles qui se passent à la Sassif juste à côté. Je voudrais simplement citer, puisqu'on a assez peu parlé d'archéologie islamique, le site de Kalat Cherumam, qui est une forteresse ottomane de Haute-Égypte, hein, près de Nag Hammadi, où nous entamons des fouilles cette année, donc des fouilles menées par un chercheur égyptien associé à l'IFAO, Ahmed Al-Shoki, et qui va éclairer l'histoire de l'Égypte au XVIIIe siècle, à l'époque où Cherumam contrôlait toute la partie sud de l'Égypte. Laurent Coulon, merci beaucoup. Merci d'avoir été en ligne du Caire avec une ligne quelque peu fluctuante. Je rappelle le titre du livre édité par l'Institut français d'archéologie orientale, l'archéologie française en Égypte. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Najar, à la technique Valérie Lavalard, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous repartirons vers les grottes, notamment celle de Vallon-Pont-d'Arc.